connaissais que moi et la vie. Je connaissais sentier, ses ruelles. Ces rues étroites dissimulées dans la nuit. Je sais où est le vrai, où est le faux. Je sais qui c'est qui me tira dessus, le premier dans le dos. Je sais que fais pas de vieux os. Que je réfauche en pleine jeunesse, vont bientôt. Mes jours ont été comptés depuis le premier jour. J'ai mis les pieds dans ce chaos. Je sais trop bien comment on finit. Entre quatre planches bannies, on vit l'exil. Le monde dans lequel on vit est naze. Autant de pièges que j'ai de face. Dehors, devant le mal, tous sont en extase. Le diable s'emploie. Pour ses poires, ça s'utilise et déploie. La route tourne, sa fin est proche, t'inquiète. Pressé dans un cycle où on fait des tours, tu te perds. Comme un jeune dans son quartier, dans ce tour se perd. Tu sais, toutes ces choses m'exaspèrent. Un sentiment en mer plane dans ce monde à refaire. On n'atteint rien ici, nos yeux fixés sur l'au-delà. Vivre dans ce monde, mais pas de ce monde. On n'atteint rien ici, nos yeux fixés sur l'au-delà. Why, why? On n'atteint rien ici, nos yeux fixés sur l'au-delà. Vivre dans ce monde, mais pas de ce monde. On n'atteint rien ici, nos yeux fixés sur l'au-delà. Why, why? C'est l'exemple. C'est l'exemple. It's been a long time, Black. It's true, I shouldn't have left. C'est l'exemple. C'est l'exemple. Yeah. It's been a long time, Black. It's true, I shouldn't have left. On n'aura jamais fini de parler du monde et dire tout ce qui s'y passe. Les jours défilent comme les faits divers s'amassent. Le fait est que tout le monde s'y accoutume. Comme la polluée que chacun consume. Et autant d'années passées à miser, en fait j'étais loin du compte. Comme long est le temps pour que je puisse m'en rendre compte. Au bout du compte, j'étais dans le rouge, fallait que ça bouge, fils. C'est sérieux ce que je te compte. Ce monde nous détruit, certains disent qu'il nous construit. C'est vrai, par moments il m'a instruit. Mais combien de fois il m'a détruit. Plaqué sur le sol avec mépris. Combien de fois ai-je souffert. Puis-je dire que ma vie était plus en joie que amère. J'en doute sincèrement, mais je m'en suis sorti, j'en fais le serment. Et peu m'importe qu'il y en a qui croient que je mens. On n'atteint rien ici, nos yeux fixés sur l'au-delà. Vivre dans ce monde, mais pas de ce monde. On n'atteint rien ici, nos yeux fixés sur l'au-delà. Why, why? On n'atteint rien ici, nos yeux fixés sur l'au-delà. Vivre dans ce monde, mais pas de ce monde. On n'atteint rien ici, nos yeux fixés sur l'au-delà. Why, why? C'est l'exemple. C'est l'exemple. It's been a long time, Black. It's true, I shouldn't have left. C'est l'exemple. C'est l'exemple. It's been a long time, Black. It's true, I shouldn't have left. J'ai passé trop de temps les yeux fermés sur ma life. Dans la boue du péché, comme et avant que je réalise, c'est vrai, je le dis. Je mettais pas un pied devant l'autre, la haine m'animait. J'étais pas, c'était tendu. Voyageur sans aucune destination, qui dit qu'il a le flair. Baladé comme mon autostoppeur. Si aujourd'hui je speak dans tes haut-parleurs, te parle de bonheur. C'est que je rappe que je vis, mon Dieu m'a suivi. Souviens-toi de nos luttes, de nos combats. Souviens-toi que le monde n'offre rien d'autre que des combats. Des belles querelles et quelques débats. Sache que le monde te décevra. Ne t'attends pas qu'il te réjouisse, il ne fera qu'attriste et tes voix. N'oublie pas que la compagnie est traite. Que lorsqu'il y a danger, elle bat en retraite. Que loin sont les amis lorsqu'il y a échec. Mais bref. C'est la vie qui est ainsi. Fais en sorte de ne pas leur en vouloir, même s'ils agissent ainsi. On n'atteint rien ici, nos yeux fixés sur l'au-delà. Vivre dans ce monde, mais pas de ce monde. On n'atteint rien ici, nos yeux fixés sur l'au-delà. Why, why? On n'atteint rien ici, nos yeux fixés sur l'au-delà. Vivre dans ce monde, mais pas de ce monde. On n'atteint rien ici, nos yeux fixés sur l'au-delà. Why, why? C'est l'exemple. C'est l'exemple. It's been a long time, Black. It's true, I shouldn't have left. C'est l'exemple. C'est l'exemple. C'est l'exemple.